Deuxième temps d'une histoire de l'amitié dans la fabrique de l'histoire de cette semaine. Aujourd'hui, le documentaire. Après Antoine Debac, qui est venu hier nous parler de ses histoires d'amitié parues chez Payot, et avant demain d'évoquer l'amitié médiévale avec Damien Bocquet et Bénédicte Serre, nous allons ce matin, dans le documentaire de Perrine Kervan et de Séverine Cassard, approcher une amitié de 60 ans entre trois femmes, trois intellectuelles, la chercheuse en biologie Nicole Ledouarin et les historiennes Michel Perrault et Mona Ozouf. Toutes trois se sont connues en Normandie, c'était au milieu des années 50, et elles n'ont cessé depuis de dialoguer, de discuter et de se retrouver régulièrement. Elle se retrouve autour d'un micro pour ce documentaire signé Perrine Kervan et Séverine Cassard jusqu'à 10h dans la fabrique de l'histoire de ce matin. C'est la fête, Olivier Boite, et c'est la fête à l'école des filles parce que nous recevons deux personnalités extraordinaires. Vous faites rire tout le monde, non? Ah bah oui, vous avez vu, oui. Voilà. Les personnalités extraordinaires, c'est l'idée de l'été des 13 dimanches. Et aujourd'hui, cet après-midi, nous ne serons pas dans l'ombre, puisque nous serons avec Mona et Michel. Amis pour la vie. Mona et Michel, je vous ai invités parce que vous êtes les mêmes. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il y a de même entre vous deux? Écoutez, d'abord, c'est une rencontre. Mais c'est une rencontre déjà très lointaine. Michel et moi, nous sommes retrouvés jeunes professeurs dans le même lycée à Caen, dans le Calvados, avec d'ailleurs une troisième personne qui devait être là mais qui n'a pas pu venir, notre amie Nicole Ledouarin, qui enseignait elle aussi dans la même terminale. Et donc, il nous arrive encore, à toutes les trois, nous nous voyons, notre amitié n'a pas failli depuis 59 ans, oui, quelque chose comme ça. Et en dehors de nos rencontres, nous faisons tous les ans un déjeuner à trois où nous faisons Verdun. C'est-à-dire nous faisons nos souvenirs de guerre du lycée de jeunes filles de Caen dans des années très lointaines. Je ne sais pas si ça fait de nous les mêmes, mais en tout cas, ça fait de nous des... comment dire ? Des inséparables, Michel. Oui, les mêmes aussi parce que nous avons croisé la même conjoncture historique, finalement. Au fond, c'était les 30 ans. C'était à la fois une période tellement peu. Il y avait ça, mais en même temps, il y avait un échec. On est dans les Monts d'Arrée, dans la cour de l'ancienne école de filles du Huelguat, devenue un centre d'art et un lieu de rencontre. C'est un des derniers dimanches de juillet, il fait à peu près beau, et tout le monde s'est retrouvé devant un énorme plat de crabes et de langoustines. Marchands d'art, voisins, collectionneurs, curieux, vacanciers, tous se sont rangés sagement, dans la cour, sur des bancs, sous les arbres, pour écouter Mona Ozouf, Michel Perrault et Nicole Ledouarin. À les écouter, ces dignes octogénaires, et à les regarder, se pousser du coude, rire et se parler à l'oreille, on a envie d'en savoir plus. Envie de savoir comment ces trois intellectuels, Nicole, la biologiste multimédaillée, spécialiste des chimères, Michel, la pionnière de l'histoire des femmes, et Mona, l'historienne de la Révolution française et de la République, se sont rencontrés, puis apprivoisés. Envie de savoir ce qui les a liés pour toujours et comprendre comment ces jeunes femmes de 25 ans, tout juste agrégées, ont rêvé ensemble à leur futur, dans l'élan des Trente Glorieuses, en devenant des amies de toujours. Le monde s'ouvrait quand oui. Même. Ah oui, le monde s'ouvrait. C'était un monde pauvre, ça oui. Je me souviens, c'est drôle même, je me souviens que nous avions acheté une cafetière électrique Peugeot, dont on était extrêmement fiers, très contents. Et on l'a payé à crédit. Mais les salaires étaient très faibles. Les salaires étaient faibles. Ah, oui, vraiment faibles. Mais d'un autre côté, ça n'avait aucune importance. Aucune importance, oui. On ne pensait pas du tout au passé. Non. Ah non, non, le passé, non. On voulait l'oublier. On voulait l'oublier, oh, et puis oui. On donnait un coup de talon. Ma mère travaillait avec mon père. Mon père était négociant en cuir, ma mère l'aidait. Mais elle avait toujours regretté de ne pas avoir fait des études de dessin. Et mon père était très féministe. Et il n'était absolument pas question que je ne travaille pas. Michel Perrault. Après le bac, mon père me dit « Maintenant, qu'est-ce que tu veux faire ?» À ce moment-là, j'avais réfléchi quand même un peu. Et je lui avais dit « Finalement, je crois que je vais faire de l'histoire. » Il me dit « Tu vas être professeur. Tu devrais faire ta médecine. » Il me voyait comme totalement libre et indépendante, absolument. Conduire une voiture, faire du sport. Et comme il me disait, j'imagine que peu de pères disaient ça à leurs filles à l'époque, ne te mets pas trop vite un homme sur le dos. Ma mère était veuve, elle a été veuve à 29 ans, très jeune. Mona Ozouf. Et du coup, elle a toujours pensé que sans son travail, elle serait morte de chagrin. Et donc j'ai été élevée par deux femmes, ma grand-mère et ma mère, qui ne comptaient vraiment que sur elles pour vivre et survivre. Donc l'idée du prince charmant était absente de ma jeunesse. Ma grand-mère, bretonne, bretonnante, en coiffe, qui vivait à la maison, c'est elle qui avait au fond mené la barque, le mari était marin, elle tenait un petit café de village. Et du coup, elle faisait le fricot de la foire et c'était une personne extrêmement énergique et qui n'hésitait pas à mettre à la porte manu militari ceux qui s'étaient laissés un peu trop aller à l'eau de vie, au gouin ardent, comme on dit en Bretagne, au vin ardent. Peut-être qu'après tout, le fait d'être si insensible à la domination masculine, peut-être que ça vient du fait d'avoir été élevée dans un univers de femmes qui ne comptaient que sur elle. Ma grand-mère avait à l'égard des hommes en général une sorte de condescendance affectueuse. Il faut dire que le fait d'avoir mis tant d'ivrognes à la porte de son café avait dû la conforter dans l'idée que les hommes étaient des êtres faibles. Le fondamental était de ne pas dépendre. Quelle joie de pouvoir fermer ma porte et passer mes journées à l'abri de tous les regards. Je m'accommodais de n'importe quel réduit. Personne ne contrôlait mes allées et venues. Je pouvais rentrer à l'aube ou lire au lit toute la nuit, rester claquemuré 24 heures de suite, descendre brusquement dans la rue. Je déjeunais d'un borch chez Dominique. Je dînais à la coupole d'une tasse de chocolat. Je constatais joyeusement que le sérieux de l'existence dont les adultes m'avaient rebattu les oreilles en vérité ne pesait pas lourd. Passer mes examens, ça n'avait pas été de la plaisanterie. J'avais durement peiné, j'avais eu peur d'échouer, je butais contre des obstacles et je me fatiguais. Maintenant, nulle part je ne rencontrais de résistance. Je me sentais en vacances et pour toujours. Moi, j'arrive à la Sorbonne en 1947. Michel Perrault. La Sorbonne, c'était merveilleux. On suivait les cours si on voulait, on les suivait pas si vous plaisait pas. Il n'y avait absolument aucun contrôle pendant l'année. Il suffisait de réussir les examens à la fin de l'année. Le reste, personne ne vous demandait rien. Alors c'était la liberté totale. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. On était très politisés. Moi, j'étais chrétienne, mais chrétienne sociale. Et j'ai évolué vers un christianisme progressif qui m'a ensuite amené vers le communisme. Au fond, il y avait deux pôles. Il y avait les étudiants communistes et il y avait les étudiants chrétiens. Moi, j'étais à ce moment-là du côté des étudiants chrétiens, mais je lorgnais beaucoup du côté des étudiants communistes. D'abord, je trouvais qu'ils étaient beaucoup plus... Les garçons étaient beaucoup plus beaux. Ils avaient de la gueule. Ils copiaient tous un petit peu Gérard Philippe, la mèche, tout ça. Ils étaient plus propres. Ou tout au moins, j'avais l'idée qu'ils étaient plus propres. Ma mère m'avait toujours dit que les chrétiens se lavaient mal. J'avais une mauvaise idée de ça. Alors, les étudiants communistes, auréolés par la beauté et par l'esthétique, et puis par l'engagement et par ce qu'ils organisaient quand même. Il y avait des réunions, il y avait Annie Criégel, qui ne s'appelait pas Criégel à ce moment-là, elle s'appelait Annie Besse. Je me souviens de réunions où elle montait sur une des tables, on mettait deux tables l'une sur l'autre. Elle montait dessus, elle se huchait là et elle nous haranguait. Elle nous disait notre mauvaise conscience. Au fond, ce qui était très intéressant, c'est que j'avais une très mauvaise conscience par le christianisme. Et cette mauvaise conscience était relayée par les communistes. Moi, j'adhère au Parti communiste en entrant à l'école, à Sèvres, à l'automne 52. J'étais interne. Premier soir où je suis sortie de ma chambre, à Sèvres, sans m'entendre dire « Où vas-tu ? Que fais-tu ? Où vas-tu ? » Je me suis dit « Voilà, c'est ça la liberté. » Mona Ozou. J'ai même pas l'idée à ce moment-là de faire un travail intellectuel. J'ai l'idée d'être un prof, un bon prof autant que possible. J'étais typique de la bonne élève qui va au tableau quand on lui demande et qui fait ce qu'il faut. J'étais décidée à faire très bien mon métier. Mais au-delà, je ne voyais pas ça possible même. C'était hors champ. Comment vous avez rencontré votre mari Jacques Ozou ? Oh, c'est un peu... Je l'ai rencontré à la Bibliothèque nationale, comme quoi vous voyez tout ça est d'une convention absolue. Et donc, j'ai rencontré cette bande d'historiens qui m'a immédiatement ébloui parce que je rencontre des gens qui ont une idée absolument fixée déjà de leur destin intellectuel. Et quand on pense que ces garçons s'appelaient François Furet, Denis Richet, Emmanuel Leroy-Ladurie, Maurice Agulon, que sais-je, Jean-Nicolas, moi j'avais le sentiment qu'ils se faisaient une grande idée d'eux-mêmes. J'étais très intimidée par tout ça. J'étais intimidée par Paris en arrivant de ma Bretagne, quand je fréquentais la bibliothèque de philo de la Sorbonne. J'avais l'impression de côtoyer des filles et des garçons qui parlaient de Spinoza comme s'ils avaient gardé les vaches avec Spinoza. Enfin bref, il y avait une sorte de familiarité avec les auteurs, vraie ou feinte. Vous disiez que vous imaginiez forcément devenir professeur de lycée, que ces jeunes gens visaient plutôt la recherche ou en tout cas l'université. Vous ne pensiez pas à ça, forcément ? Non, mais l'université, à ce moment-là, c'était tout à fait lointain. Le destin tracé était celui de professeur de lycée. Et du reste, parmi les garçons que je rencontre, je ne suis pas sûre qu'ils pensaient être professeurs d'université. Mais ils avaient tous idée d'écrire, de faire des livres. Leur curiosité était fixée. Moi, les miennes étaient errantes. J'ai eu ma première fille alors que je n'avais pas encore l'agrégation. C'était entre ma licence et puis mon diplôme d'études supérieures. On faisait un diplôme à l'époque. Nicole Ledouarin. Et ben, j'ai eu une première fille et j'ai passé l'agrégation l'année d'après. Pendant cette année où j'attendais ma fille, j'ai passé quelques examens supplémentaires que j'ai passés parce que ça m'intéressait. C'était pas facile de mener de front les études, le lycée, les enfants ? La vie de famille ? Oui, mais j'ai eu des parents formidables. Mes parents m'ont aidée tout le temps. J'avais une personne à la maison qui était financée par nos salaires, mon mari et moi, mais aussi par mes parents qui nous aidaient. Je suis une boursière familiale, quoi. L'agrégation de philo, à l'époque, c'était quand même quelque chose de très compliqué. Il y avait, quand j'ai passé l'agrégation, il y avait 5 places. J'étais 5e, c'était vraiment le coup près est tombé tout à fait près. C'est une levée d'écrou pour moi. Par ailleurs, je me mariais 3 jours après. Et c'était aussi le fait d'obtenir l'agrégation, c'était la certitude d'avoir un poste double, de pouvoir partir dans l'existence. Donc j'ai un souvenir absolument merveilleux des résultats de l'agrégation, même si les résultats ont beaucoup déçu ma mère. Une vie nouvelle, une vie autre. J'étais plus émue que la veille de mon entrée au cours zéro. Couchée sur des feuilles mortes, le regard étourdi par les couleurs passionnées des vignobles, je ressassais les mots austères. Licence, agrégation. Et toutes les barrières, tous les murs s'envolaient. J'avançais, à ciel ouvert, à travers la vérité du monde. L'avenir n'était plus un espoir, je le touchais. 4 ou 5 ans d'études, et puis toute une existence que je façonnerais de mes mains. Ma vie serait une belle histoire qui deviendrait vraie au fur et à mesure que je me la raconterais. Alors j'ai passé l'agrégation en 51, je pensais pas l'avoir, mais je m'y suis pas attardée à ça. Ça a été une étape sur laquelle je me suis pas beaucoup appesantie finalement. Et c'est comme ça que j'ai été nommée à Caen, et très contente d'y être. Rassemblée devant votre monument au mort. Aux morts de la Grande Guerre, auxquels nous joignons tous ceux, des citoyens et des citoyennes de Caen, qui sont morts dans leur ville ou hors de leur ville, pour le service de la France, nous allons chanter pieusement l'hymne national la Marseillaise. Morceau par morceau, pont par pont, port par port, ville par ville, maison par maison. Caen était une ville qui avait été, comme tout le monde le sait, détruite à 80%. Au moment où j'y arrive, en 51, la reconstruction avait commencé, mais doucement. Les gens vivaient dans des baraquements. Alors pour se loger, c'était la croix et la bannière. Ils avaient organisé des box tout petits, où il y avait une couchette, une étagère pour mettre les bouquins, une table pour travailler, et puis on se lavait dans des grandes auges en zinc. Naturellement, inutile de vous dire qu'il n'y avait absolument aucune douche. Il y avait une espèce de gaz pour se faire chauffer quelque chose, mais c'était absolument dégueulasse. Et moi, j'avais vécu 2 années célibataire. 2 années qui étaient très très importantes pour moi. Je ne vais pas vous raconter toutes les rencontres avec mon mari, c'est un peu compliqué, mais enfin, il y a eu quand même des épisodes romanesques. Je l'ai retrouvé dans le train. Je le connaissais déjà. Et je l'ai retrouvé dans le train. Il faisait son service militaire à côté de Caen. Nous nous sommes retrouvés. Ça a été la décision définitive. Et alors, à ce moment-là, c'est lui qui a demandé à avoir un poste à Caen, où moi j'étais déjà. Et avoir un poste double, comme on disait à l'époque, c'était l'expression. C'était pour un mari et une femme. Bon. Donc, il valait mieux être marié. Autrement, on n'existait pas. Donc, nous nous sommes mariés, mais de toute façon, c'est ce qu'on voulait faire. On s'est donc retrouvés en 53 à Caen. Et à ce moment-là, on a eu la vie de jeune couple avec beaucoup d'amis. C'était en 1955. J'ai 24 ans et je suis nommée avec Jacques, un poste double à Caen. C'est là que nous rencontrons Michel et Jean-Claude Perrault. Ce sont eux qui nous initient, qui nous explique ce que c'est que Caen. Tous les deux sont catholiques. Je les vois aller le dimanche avec leur missel. Donc ils sont beaucoup plus intégrés à la société caennaise. Nous, quand nous arrivons, c'est terra incognita. Je me rappelle mon arrivée à Marseille comme si elle avait marqué dans mon histoire un tournant absolument neuf. J'avais laissé ma valise à la consigne et je m'immobilisais en haut du grand escalier. Marseille, me dis-je. Sous le ciel bleu, des tuiles ensoleillées, des trous d'ombre, des platanes couleur d'automne, au loin des collines et le bleu de la mer. Une rumeur montait de la ville avec une odeur d'herbe brûlée et des gens allaient, venaient au creux des rues noires. Marseille. J'étais là, seule, les mains vides, séparée de mon passé et de tout ce que j'aimais. Et je regardais la grande cité inconnue où j'allais sans secours tailler au jour le jour ma vie. Ici, je n'existais pour personne. Quelque part, sous un de ces toits, j'aurais à faire 14 heures de cours chaque semaine. Rien d'autre n'était prévu pour moi. Pas même le lit où je dormirais. Mes occupations, mes habitudes, mes plaisirs, c'était à moi de les inventer. Nicole Ledouarin est arrivée à Caen, juste une année avant Mona Ozouf, mais Mona, je l'ai rencontrée beaucoup plus vite, et je me souviens qu'elle était très timide. Voilà, alors on a noué amitié, véritablement, dans la salle des profs du lycée, sinistre d'ailleurs, et puis très rapidement en dehors. On était 3 couples, Jacques et Mona, Nicole et Georges, Ledouarin, Michel et Jean-Claude Perrault, et tous les 3, on était logés à 100 mètres les uns des autres, et les 3 hommes étaient profs au lycée de garçons. Ben moi, j'ai commencé, j'avais des petites classes, c'était des hommes qui faisaient les grands. Enseignant la philosophie, je n'ai eu que des grandes classes, ce que j'ai trouvé tout à fait délicieux. Avec les parents d'élèves, c'était un peu plus compliqué. J'avais eu la sottise de faire réfléchir les élèves sur une phrase de saint Thomas qui disait ceci, « Les prostituées sont dans la cité comme est le cloaque dans un palais. Enlevez le cloaque, le palais devient un lieu malpropre et infect. » Donc une sorte de justification de la prostitution comme, comment dire, abcès de fixation, d'une certaine manière. Et puis là-dessus, j'ai eu une lettre d'un père d'élève me demandant d'urgence de lui trouver l'endroit où était la citation. Ça a été une catastrophe absolue parce que je l'avais en tête, mais je ne savais pas du tout où. Et du coup, mon mari et moi, nous sommes allés à la bibliothèque de la fac pendant 8 jours, lisant la somme théologique. Et la somme théologique, dans le simple but de retrouver cette citation, il y avait quand même une surveillance. Il y avait un ordre moral. Une de tes collègues avant toi avait donné aux élèves à lire la nausée. Ça a fait un scandale. Et puis, il faut dire qu'on avait parfois quand même aussi un peu de provocation. Enfin, on avait imaginé de faire une conférence sur le racisme et Oresco référence. On avait invité des garçons. Dont un beau noir. Dont un beau noir, magnifique. Un de nos amis. Un de nos copains, oui. Stanislas Adotévi, oui. Qui serait ravi qu'on rappelle son nom. Il habite maintenant à Ouagadougou. Là, on avait vraiment franchi une ligne. Je me souviens qu'une fois, tu avais discuté avec tes élèves sur la passion. Et il en était question dans les couloirs. Tu avais dit que la passion, ça ne perdurait pas toute la vie. C'était hein assez raisonnable comme raisonnable comme propos. Et alors, quelques-unes étaient horrifiées. Eh bien, voyons maintenant le point de vue de l'homme dans tout cela. Puisqu'il est inévitable que la femme travaille pour l'instant. D'après vous, maître Garcin. Madame, posons un principe. Le foyer d'un homme dont la femme travaille n'est pas un foyer. Toute la question est là. La vie privée heureuse exige la présence de la femme chez elle. L'épouse qui rentre harassée de travail n'est plus une femme. C'est une espèce de bête de somme. Or, madame, nous avons épousé quelqu'un. Vous comprenez, quelqu'un que nous aimions. Nous n'avons pas épousé une femme de ménage au rabais. Nous voulons que nos femmes soient des vraies femmes. Et vous aviez l'impression, justement, les unes et les autres, d'être un modèle pour ces jeunes filles et peut-être de les ouvrir un peu. Bon, je sais pas. Nicole, qu'est-ce que tu en penses, Nicole? Je n'avais pas cette impression-là, personnellement, mais j'agissais d'une manière tout à fait naturelle et elle prenait ce qu'elle voulait. Hein. Bah, écoute, Nicole, moi, j'ai le sentiment que tu étais un modèle pour elle. Elle l'était. Bon, parce que tu étais mariée, tu avais une petite fille. Or, le modèle du prof dans ce lycée Pasteur de Caen, c'était le modèle de la vieille demoiselle. Et donc, je veux dire, il y a une des filles qui m'avait dit une fois, j'aimerais pas beaucoup être professeur parce que je voudrais bien me marier. Mais je pense pas qu'on ait été des modèles, mais on était des images. Oui. Oui. Voyons, mademoiselle, vous avez un métier? Je n'ai pas encore de métier, non. Je suis étudiante en philosophie. Et quelle carrière comptez-vous choisir? Le professorat. Vous allez vous marier bientôt? Je l'espère, ça dépendra de la recherche d'un appartement, de beaucoup de choses. Oui, c'est la fameuse question du logement. Et dites-moi, pensez-vous continuer à travailler après votre mariage? Je crois que nous serons obligés, mon fiancé se destine au professorat. Avec un seul traitement, nous ne pourrions pas vivre. Par conséquent, si vous continuez à travailler, c'est par nécessité et non par plaisir. Oui, c'est plutôt par nécessité. Bon, je vous remercie, mademoiselle. Et vous, madame, vous travaillez? Mais oui, madame. Et si vous aviez des enfants, comment feriez-vous? Bon, mais si j'ai des enfants, je serais obligée d'abandonner mon travail parce que je ne veux pas les confier à des étrangers, quitte à manger du pain sec. Mais vous êtes très courageuse, c'est très bien. Merci, madame. Reculez sur le trottoir! Reculez, reculez! Que les motos se mettent en pointe! Le fascisme passera pas! Le fascisme passera pas! De gauche, ne passera pas! Là-dessus au poteau! Au cours de ces quelques échos, nous avons parcouru une partie du boulevard Voltaire. De l'endroit où je me trouve, je suis en tête du défilé. Je ne peux pas me rendre compte quelle est l'importance de la manifestation, mais Joseph Paltou pourra peut-être mieux vous renseigner. Alors à vous, Joseph Paltou. Bon, j'ai encore un petit truc à vous envoyer, là, mais une seconde, il faut que je change ma bobine. Hein. On était des gens de gauche, plus ou moins, on n'avait pas la même gauche, et de plus en plus attirés par le communisme, et puis il y a eu la guerre d'Algérie. Les deux Douarins, eux, ils étaient plus ultra-gauche que nous, ils critiquaient beaucoup le Parti communiste de ne pas être assez à gauche. Alors du coup, ils n'y étaient pas. Donc on représentait une espèce d'opinion différente, mais la gauche, la République, ça va de soi, la lutte contre la guerre d'Algérie, ça, alors on était absolument tous d'accord. Et puis, la modernité, quoi, pour les femmes notamment, enfin, on était très féministes. Quand j'arrive à Caen, j'ai ma carte, Jacques et moi... Si un parti socialiste convenable avait existé à l'époque, nous aurions dû être au Parti Socialiste, peut-être à la gauche du Parti Socialiste. Mais c'était ça notre, j'ai presque envie de dire, notre lieu naturel. Et notre militance à Caen est essentiellement tourne autour de la guerre d'Algérie. Ce n'a jamais été une adhésion, bon, peut-être que je reconstruis ça complaisamment maintenant, mais ça n'a jamais été une adhésion absolue. Michel et Jean-Claude, par exemple, venaient aux réunions de cellules, de la cellule sans paix à Caen, avec, je les revois encore, c'était tellement drôle, avec les statistiques de l'INSEE, puisque le grand problème à l'époque était de savoir s'il y avait une paupérisation absolue de la classe ouvrière ou une paupérisation relative. Et la question était débattue dans les cellules, mais évidemment, l'orthodoxie voulait que la conclusion fût « il y a une paupérisation absolue ». Et c'est à ça que Jean-Claude et Michel, avec leur lecture de l'INSEE, ne pouvaient pas admettre cela. Alors ils venaient avec une bonne volonté immense et des sources. Ils venaient expliquer aux militants de la cellule sans paix, et donc tout ça sentait un peu le fagot, au point du reste qu'on nous a dépêché de Paris une sorte de commissaire politique dont j'ai oublié le nom, qui est venu voir ce qui se tramait à la cellule sans paix de Caen-Calvados, où il y avait de jeunes professeurs qui étaient quand même un tout petit peu déviants. Oui, on a plein de souvenirs, on pourrait vous en raconter beaucoup. Des collages d'affiches aussi. Des collages d'affiches pour la paix en Algérie. Ah oui, absolument. Michel qui faisait le guet, qui n'a pas une vue excellente, dès que se pointait un facteur, elle croyait que c'était un flic. Et donc alertait tout le monde. Et on allait au lycée faire cours après. Et on allait lui aussi faire cours après. Absolument. On était pleine d'énergie. Puis on avait un ami. Oui, on avait un ami libraire. Et la librairie qui s'appelait La Porte Latine, qui était au centre de la ville, était le lieu de retrouvailles, d'échanges. Ils se sont engagés vraiment beaucoup pour la guerre d'Algérie. Et la boutique a été plastiquée. Oui. Il faut voir que ce n'était pas non plus des années simples, du tout. Hein. Il y avait beaucoup de tensions dans la ville. Nous distribuions des tracts au marché. Il y avait des gens qui nous regardaient de travers après ça. Évidemment, hein. Oui. C'était difficile. Malgré la masse des forces russes opérant en Hongrie, les nouvelles de Budapest sont contradictoires. Tandis que d'une part, un émetteur libre a indiqué ce matin que les combats duraient encore, selon d'autres informations, la résistance de la capitale aurait pris fin. Voici les chars russes qui passent. Ils sont environ à une trentaine de mètres de moi. La tourelle n'a pas l'air de se diriger vers moi. Autrement, évidemment, je me planquerai en vitesse. Oui, je viens. Il tire à la mitraille, vous entendez les balles qui claquent contre le mur. Vous entendez de temps en temps les 8 balles qui tapent. Voilà. Sur l'hôtel, je suis navré, j'arrête le magnétophone. C'était après la mort de Staline et à l'époque du rapport Khrouchtchev. On était à la cellule sans paix au moment où le rapport attribué aux camarades Khrouchtchev, comme disait l'humanité, qui ne voulait pas admettre au fond que c'était la vérité. Alors ça, c'était très intéressant à vivre. Et je me souviens que, comme nous, on prenait au sérieux le fameux rapport Khrouchtchev, on a envoyé le secrétaire de section et des gens de Paris pour nous faire la morale, pour nous dire de bien penser. Mais tout ça fait qu'on a quitté le Parti communiste, j'irais presque en douce. Ma déprise intellectuelle du PC a commencé bien avant. Avant quand ? C'est dans mes années de l'école, c'est dans mes années de Sèvres que ça a commencé. Il faut dire qu'entrer au PC en 52, c'est pas vraiment une bonne date. Hein. Janvier 53, si je me souviens bien, il y a le procès des blouses blanches. Il y a Berlin, à l'été suivant. C'est-à-dire qu'il y a quand même des événements affreux, et en plus dont il faut rendre compte. Il faut les expliquer devant l'école réunie. Non, c'est quelque chose que j'ai trouvé insupportable dès le début. Expliquer une croyance à laquelle on ne croit plus déjà, c'est le grand problème des intellectuels communistes. Comment croire à ce qu'on ne croit qu'à demi ? Le Parti communiste était très hostile à la contraception. Alors ça je crois que ça a été pour nous, en tout cas pour moi sûrement, une véritable faille. Il y avait beaucoup de raisons de douter du Parti communiste, rapport Khrouchtchev, mais il y avait ça aussi. Il y avait les attitudes extrêmement fermées sur tout ce qui concernait les mœurs. L'homosexualité aussi, Le Parti communiste était absolument... Il mettait dehors, à la porte des cellules, les gens qui affichaient, peut-être pas ceux qui n'en disaient trop rien, mais quelqu'un qui affichait son homosexualité était exclu d'une cellule du Parti communiste. Faut voir ça. Hein. Donc, je ne pense pas que nous analysions beaucoup ça. On n'analysait pas ça en termes de genre, comme on le ferait maintenant, mais c'était pour nous intolérable. Non, mais ce qui est curieux, simplement, c'est que vous avez commencé comme une femme non féministe. Jean-Paul Sartre. Une femme de ce point de vue quelconque, qui veut savoir ce que c'est d'être femme. Et en écrivant le livre, vous êtes devenue féministe. Vous avez vu vos ennemis, vous les avez attaqués. Et vous avez bien précisé ce qu'était qu'être femme. Oui, mais c'est je suis restée... du livre. Je suis restée sur un plan théorique. Et maintenant, aux yeux des militantes, ces livres peuvent avoir une certaine valeur de... parce qu'elles n'ont pas tellement de théoriciennes. Mais moi-même, je suis restée simplement sur le plan théorique. Et je n'ai pas fait un engagement féministe comme je l'ai fait ces dernières années. Ben, c'est normal. Oui, c'est normal. C'est normal. D'abord, il n'y avait pas de mouvement féministe à ce moment-là. Oui. Et puis, vous êtes devenue en écrivant le livre. C'est la meilleure manière. Je suis devenue surtout après que le livre ait existé pour d'autres femmes. Simone de Beauvoir est une de nos admirations communes à toutes les trois. Je me souviens parfaitement du jour où je lis Le Deuxième Sexe. À la bibliothèque municipale de Saint-Brieuc, j'ai une dissertation à faire. Et en attendant que les livres que j'ai demandés arrivent, il y a une table de littérature, comme on disait. Et il y a les livraisons des temps modernes où le Deuxième Sexe était paru en feuilleton. Et du coup, en attendant mes livres, je lis ça. Et c'est une lecture qui m'enfièvre complètement. D'abord parce que j'entends parler de choses dont je n'ai jamais entendu parler à la maison. Sur la sexualité, par exemple. Il y a à la fois chez elle ce côté sérieux qui sûrement me plaisait aussi. Parce qu'après tout, Le Deuxième Sexe, c'est un château de fiches. Mais marié à un ton d'une liberté complète. Donc je ne fais que ça de l'après-midi, hein, la dissertation n'a pas du tout avancé, et je trouve que cette dame que je ne connais pas du tout a un nom magnifique en plus. Voilà, je m'éprends de Simone de Beauvoir à la bibliothèque municipale de Saint-Brieuc. Seule, je marchais dans les brouillards sur la crête de Sainte-Victoire, sur la chaîne du Pilon du Roi, contre la violence du vent qui précipita mon béret dans la plaine. Seule, je me perdis dans un ravin du Luberon. Ces moments, dans leur lumière, leur tendresse, leur fureur, n'appartenaient qu'à moi. Je dormais à midi dans l'odeur des genêts et des pins. Je m'accrochais au flanc des collines. Je me faufilais à travers les garrigues. Et les choses venaient à ma rencontre, prévues, imprévisibles. Jamais je ne me suis blasée sur le plaisir de voir un point, un trait inscrit sur une carte ou trois lignes imprimées dans un guide qui se changeait en pierre, en arbre, en ciel, en eau. On parlait d'elle, de ce qui lui arrivait, de ce qu'elle faisait, de ce que Sartre et elle se disaient. Moi, j'ai été totalement fascinée par cette phrase quand elle parle de Sartre et quand elle dit « rien de mal ne pouvait m'arriver par lui oui. ». Ça me paraissait être, je sais pas quoi, moi, le oui, sacre de l'amour. Le sacre de l'amour. Moi, j'ai toujours été pour des relations choisies, contre les relations imposées. Remarquez qu'il y a quelquefois des relations qui sont données et qu'on choisit en même temps. Par exemple, avec ma sœur, le fait est que c'est ma sœur et que nous sommes très liés parce que nous sommes sœurs et qu'en quelque sorte, je l'ai choisie comme elle m'a choisie. Mais c'est extrêmement rare. Par conséquent, je répète, je le dis déjà souvent, que je n'ai jamais regretté de ne pas avoir d'enfant. J'aime beaucoup mieux les amitiés. J'aime beaucoup mieux des relations, je répète, que j'ai choisies que celles qui m'auraient été imposées par la maternité. Ah oui, elle était à la fois une écrivaine, on disait d'ailleurs une écrivain à cette époque-là, on ne disait pas une écrivaine tellement. Moi, je dis toujours. Et en même temps, elle avait une espèce de soif de vie, oui. Hein, qui était extraordinairement stimulante. Que quand elle prend sa voiture pour circuler à travers toute la France, voyager, fatiguer Sartre même dans ses voyages, et puis les amours contingente et l'amour nécessaire. Enfin, c'était aussi quelque chose qui nous parlait beaucoup, qui était très important. C'est très curieux que ça nous ait parlé d'ailleurs, parce qu'on était dans l'amour nécessaire, nous, jusqu'au cou. Et je ne comprends pas bien, aujourd'hui, rétrospectivement, oui. Je ne comprends pas bien pourquoi on a attaché tant de prix. Oui. Moi, j'ai attaché beaucoup de prix intellectuels à ces amours contingentes. Bon, bref, oui. Bizarre, oui. Hein. Oui. Puis alors évidemment, l'engagement politique, ça comptait quand même beaucoup, parce que ça complétait, si vous voulez, le tableau positif que nous avions de Simone de Beauvoir. Oui, il y avait encore autre chose, je crois, qui était la désinvolture totale de Beauvoir par rapport aux tâches matérielles, à la vie domestique. Se faire un jambon beurre dans sa chambre d'hôtel, c'est le sommet des préparations culinaires. Et au fond, on était encore nous très dans le fait que les femmes devaient être... De bonnes maîtresses de maison, de temps en temps. Et justement, cet intérêt que vous aviez pour Simone de Beauvoir, est-ce qu'il était compris par vos maris? Et est-ce que vos maris s'intéressaient aussi à Simone de Beauvoir? Ou est-ce que c'était juste une affaire entre vous, les femmes de ces couples? Je sais que la lecture sérieuse que j'ai faite du deuxième sexe, c'est avec mon mari. Mon mari le lisait, et nous prenions des notes tous les deux, etc. Et puis lui, à un moment donné, m'a dit « Écoute, je trouve que par moments, c'est ennuyeux. Ben, » C'est un château. Alors je l'ai laissé en route et j'ai continué. Voilà, mais il était plus réservé que nous, quand même. Il y avait quelque chose qu'il glaçait un petit peu dans Simone de Beauvoir. Enfin, c'était chez mon mari, je parle de mon mari. C'était pas absolument le type de femme qu'il aurait souhaité, je crois. Bon, certes, non. Ça, c'est sûr. Ça, c'est voilà. Sûr, absolument sûr. Bon, donc, on non, partage et on... Je crois que Jacques l'a jamais lu. Oui. Il s'est toujours tenu... Un peu loin. Un peu loin, oui, je crois. Oui, je crois. Et Georges? Pareil. Loin. Loin. Oui. Non, c'était nous quand même, oui. Qui étions demandeuses de visages, de statures, de paroles nouvelles. Parce qu'on sentait très bien tout ça quand même. Antoine, il était dans le quart de Saint-Tropez. Il m'a dit que j'étais belle. C'est difficile à faire comprendre aujourd'hui quand on dit que qu'on avait deux icônes qui étaient Brigitte Bardot et Simone de Beauvoir. Alors, ça n'a pas l'air d'aller ensemble. Ben, c'est bizarre. Oui, Simone de Beauvoir a écrit des textes très bien sur Brigitte Bardot. Elle aussi, elle aimait bien Brigitte Bardot. La charmante et gentille Brigitte Bardot est à Cannes. Quand on dit gentille, ça compte parce que tout le monde ne l'est pas. Et donc à notre micro. Et je crois que les festivals de Cannes ont compté beaucoup pour elle dans sa carrière. Beaucoup. C'est mon troisième festival, mais le plus important pour moi, c'était celui de l'année dernière qui vraiment m'a fait connaître. Et je suis très reconnaissante au festival. Oui, j'ai eu vraiment. On n'a pas cessé de vous photographier. Non, c'était merveilleux, j'étais ravie. J'ai eu beaucoup de chance l'année dernière. Elle a eu de la chance. Elle est très modeste et très gentille parce qu'elle a aussi beaucoup de talent. Oh et, non, vous savez. Et qu'est-ce que vous êtes en train de... Alors actuellement, non seulement vous êtes au festival en visiteuse, mais je crois que vous allez tourner dans la région. Oui, je commence le film de mon mari, la première mise en scène de mon mari, oui, dans 8 jours. Ça vous donne un peu le trac de tourner avec votre mari? Oh non, je suis très contente. Il n'y a pas un meilleur metteur en scène que son mari. Et ce serait curieux de savoir quel personnage il a inventé pour vous. Le vôtre, sûrement. Oui, le mien et pas le mien en même temps. Enfin, vous verrez, c'est une histoire assez différente de ce que j'ai tourné jusqu'à présent. Et une personne qui est un peu fatale, un peu douce. Un peu vente, oui. Vous aimez ça, dans le fond? Oui, j'aime bien. Bon, merci. Au revoir. Vadim, il semble que vous vous soyez livré là à l'étude d'un personnage assez curieux, enfin l'étude de la jolie fille. C'est pas exactement de la jolie fille, c'est plus exactement un personnage de jeune fille assez actuel et que je connais bien, parce qu'il y en a beaucoup plus d'exemplaires qu'on ne le pense, aussi bien en province qu'à Paris et même qu'à l'étranger, et qui est un personnage très physique, très direct, très sensuel. Mais sensuel pas seulement sur le plan amoureux, sur le plan des rapports entre hommes et femmes, mais sensuel sur tous les plans de la vie. Pour vous, c'est un personnage qui est apparu plus particulièrement depuis la fin de la guerre. Oui, je veux dire, j'étais peut-être un peu jeune avant la guerre pour me rendre compte si ce personnage existait déjà, mais en tout cas dans la littérature et dans ce que j'ai pu entendre dire de la période d'avant-guerre, ce genre de personnage-là n'était pas exactement le même. Et Dieu créa la femme. Juliette, que joue Brigitte Bardot, est une orpheline de 18 ans d'une beauté sensuelle, involontairement provocante, qu'un vieux ménage de libraire de Saint-Tropez, Monsieur et Madame Morin, a recueilli. Madame Morin, qui ne cache pas son déplaisir de voir les hommes de la ville attirés par le charme de jeune animal de Juliette, décide de renvoyer sa protégée à l'orphelinat. Michel Tardieu, un garçon timide et malingre, lui propose de devenir son mari. Juliette, émue, accepte bien qu'elle ne l'aime pas. Un jour, à la suite d'une randonnée folle en mer où la tempête fait rage et au cours de laquelle Antoine sauve la vie de Juliette, Juliette se donne à lui sur la plage même où ils viennent de s'échouer. Oui, il y avait le « Et Dieu créa la femme » qui est ah, le... « Et Dieu oui, créa la femme », Roger Vadim, tout ça. Qu'on est allé voir ensemble et dont les femmes sont sorties, les jeunes personnes quoi, sont sorties avec... le sentiment qu'il fallait jeter son bonnet par-dessus les moulins. On a eu un moment de, je ne sais pas, de... d'euphorie. D'euphorie. Oui, oui, ça je me rappelle. Et presque les trois, de folie collective. Ouais. Et on avait, et nos maris nous considéraient avec incrédulité. Tout à fait. Et stupéfaction. Stupéfaction. Stupéfaction, incrédulité, légèrement, pas hostile, mais légèrement critique par oui. rapport à cette extravagance. C'est vrai qu'on était sortis de là... Je ne sais pas, avec l'idée que voilà, on était des femmes libérées. Premièrement, il y avait l'air du temps, et deuxièmement, il y avait ce déclic qui était l'exemple. Oui, elle était belle, oui. Elle était absolument audacieuse, elle était impertinente surtout. Oui, insolente. Et ça, insolente. Insolente. Et ça nous faisait beaucoup de bien, parce que malgré tout, il fallait qu'on tienne notre rôle. Hein. On faisait pas les fofolles tous les jours, franchement. Hein. On avait beaucoup de travail. Jamais on faisait. Jamais. Hein, jamais. On était très très. D'ailleurs, on est resté comme ça. Elle se fiche comme d'un iota de l'opinion des autres. Elle ne cherche pas à scandaliser. Elle n'est pas plus consciente de ses droits que de ses devoirs. Elle suit ses désirs. Elle mange quand elle a faim et fait l'amour avec la même simplicité désinvolte. J'ai entendu Antoine qui parlait derrière la cloison avec un ami. Il parlait de moi. Il se vantait. Cette fille-là, je l'aurais ce soir. Elle fait ce qui lui plaît, et c'est cela qui est perturbant. Elle ne pose pas de questions, mais elle offre des réponses dont la franchise peut être contagieuse. C'est pour donner une leçon à Antoine, pour blesser sa vanité, que je suis montée à bord du yacht d'Éric Carradine. Au jeu de l'amour, elle est plus un chasseur qu'une proie. L'homme est un objet pour elle. Exactement comme elle l'est pour lui. Refuser les bijoux et les cosmétiques, les talons aiguilles ou les corsets, c'est refuser de se transformer en idole insaisissable. C'est affirmer que l'on est le camarade et l'égal de l'homme. Reconnaître qu'entre homme et femme, il y a désir et plaisir mutuel. Simone de Beauvoir, Brigitte Bardot et le syndrome Lolita, 1962. Qu'est-ce que vous aviez capté justement dans Dieu créa la femme ? Avec le recul. Je dirais que c'est une sorte de liberté sauvage. Et les conventions nous ligotent totalement, toutes les trois. Nous sommes plus que conventionnelles. Nous sommes incroyablement, je dirais, gentils, entre guillemets. Nous croyons à l'amour toujours, à la fidélité, enfin que sais-je, des choses de ce genre. Nous ne sommes pas du tout des femmes libérées, comme on dirait aujourd'hui, ou comme on a dit très vite après. Mais là, nous captons quelque chose. Qui nous fait sortir de nous-mêmes. Et en ce sens, nos maris étaient tout à fait avaient raison de se dire mais qui avons-nous épousé ? Je crois que c'était ça. On cherchait nos voies, on cherchait un petit peu notre voie. Et je me souviens aussi qu'il y a quelque chose qui nous préoccupait beaucoup, c'était l'accouchement sans douleur. Parce qu'après tout, c'était quand même une manière progressiste de vivre la naissance. Et cette méthode est appliquée actuellement dans combien de pays ? Elle est appliquée sur le plan national, en Russie, depuis 1920. Et en dehors de la Russie ? En Chine, c'est pratiqué aussi sur le plan national. Mais dans d'autres pays, des médecins, s'attachant à ce problème, en isolé, sont arrivés à des résultats identiques, notamment en Angleterre. Le docteur Reed, s'inspirant des doctrines de Pavlov et le disant, est arrivé lui aussi à réaliser l'accouchement sans douleur. Alors, je pensais plus ou moins avoir un enfant, et de fait, ensuite, j'ai demandé à faire l'accouchement sans douleur. Avec un médecin, alors ça c'était à Paris, un médecin qui aussi considérait que c'était une idée bien gentille, mais enfin bon, je l'ai fait, mais je ne suis pas sûr que ça ait eu beaucoup de résultats, en réalité. Encore une contraction, inspirez bien, Ce sont les dernières respirations correspondant aux contractions déjà de la pré-expulsion. Vous voyez, le rythme respiratoire va changer. Continuez, c'est la phase difficile. Mais la femme la sort très bien, continuez. Reprenez une fois, une inspiration, repartez. Très bien. Excellent. Toujours bien détendu. Doucement. Excellent. Parfait. Elle est passée. Et alors, j'ai eu une fille 4 ans après, une deuxième fille. Je me suis arrêtée là, lorsque j'étais déjà professeure. Elle est née à Caen. Et là, il y a eu une autre révolution dans ma vie, en somme. Parce que un jour, j'ai eu la visite de l'inspecteur général qui m'a dit « c'est très bien ». Je me suis dit « si c'est très bien, ça ne peut pas être mieux ». Alors, je me suis dit « il faut que je fasse quelque chose en plus. » Et là, je me suis dit, il faut que je trouve le moyen de préparer une thèse. Et là, j'ai été voir la personne qui faisait les travaux pratiques et je lui ai dit que je voulais faire ça, mais que, évidemment, j'avais un métier alors que ce n'était pas facile pour moi de venir au TP, mais que je pouvais venir le soir ou je pouvais venir certains jours. Il fallait faire un petit effort pour me caser, quoi. Elle m'a répondu, non. Pourquoi voulez-vous faire ça? Vous avez un métier, un mari, des enfants, vous n'avez pas besoin d'autre chose de plus. Ah, j'ai dit bon, je suis partie, la tête basse. Et puis, par hasard, un peu plus tard, j'ai rencontré dans la rue une jeune femme que je connaissais bien, mais que je n'avais pas vue depuis longtemps. Elle me dit, je vais parler de toi à mon professeur. Et ça a complètement changé ma vie et c'est comme ça que j'ai fait une thèse. Le fait que vous étiez l'une et l'autre déjà engagées dans la recherche m'impressionnait. Moi, j'y pensais pas du tout à l'époque, mais pas du tout. Alors, elles ont été un modèle pour moi. Si, je ne sais pas si on a été des modèles pour nos élèves, mais elles ont été un modèle. Et la discipline des archives que vous vous imposiez, Jean-Claude et toi, moi, ça m'a beaucoup impressionnée. Si, vraiment. Mais ça compte. Est-ce que quand as-tu décidé de faire de la recherche dans tes études? Surtout. Je dirais autour de 5, pas avant 55 quand même. Mais moi j'avais un professeur qui me relançait, qui était Ernest Labrousse. Ah bon? Ah oui. Il avait beaucoup aimé ce que j'avais fait en maîtrise et il me relançait. Il était assez féministe aussi. Il était un homme charmant. En somme, on a eu un maître qui nous a impulsé. Mona, non, elle n'a pas eu de maître. Mais non, mes maîtres, c'est mes copains. Non, moi, j'avais pas. Mais je pense que, d'abord, il y avait le problème de la philosophie. Je ne me voyais pas faire une thèse de philosophie, ça m'intimidait. Et puis, c'est vrai que ce sont les rencontres que j'ai faites de mes copains. Tu t'es en quelque sorte embarquée dans un bateau. Oui, c'est très féminin, d'ailleurs. On m'a d'abord demandé de faire... Si. On m'a demandé de faire 3-4 pages. De temps en temps, je retrouve des pages de moi dans des... Dans un livre de Furet, par exemple, je me dis, tiens, mais ça, c'est moi, ça. Mais ça a été très formateur, c'était tout à fait bien. Mais ce qu'il y a, c'est que je pense que toutes les trois, et nos maris aussi, on ne voyait pas notre vie à Caen. On était très heureux à Caen. Oui, ça a été très, très important. Mais on pensait déjà à partir. On était un peu des oiseaux de passage. Hein, bien sûr. Ce que les autres, dans la ville ou au lycée, sentaient. Le plus dur, ça a été le départ de Michel et de Nicole, parce qu'elles ont obtenu leur changement plus vite que nous, c'était plus facile. Les postes de professeurs de philosophie étaient rares, forcément, ils le sont dans les lycées, et donc Jacques et moi avons peiné à obtenir notre changement pour Paris, qui est quand même pour nous l'horizon. Et quand ils sont partis, le monde s'est un peu démeublé. Nous avons fait de nouvelles amitiés, mais pas identiques, pas les mêmes, et pas aussi durables et aussi étroites. Justement, le fait de créer des amitiés à un moment où on entre dans sa vie professionnelle, c'est-à-dire en s'étant défait du passé, c'est-à-dire que c'est des gens qu'on rencontre qui ne connaissent pas forcément notre histoire. Qui ne connaissent rien. C'est d'ailleurs une chose qui nous a frappé beaucoup, Michel et moi. On en a parlé un peu ensemble à propos de composition française. Quand j'ai écrit composition française, j'ai dû écrire que nous étions tellement tournés vers l'avenir que le passé de chacun importait très peu. Nous ne demandions pas de passeport, ce qui est à la fois très beau, ce qui est en même temps très faux, parce qu'il est là, le passeport, mais à ce moment-là, on l'ignore. Mais au fond, nous savions très peu de choses les uns des autres. Le milieu social était relativement perceptible, mais ce dont nous venions vraiment, ce que nous avions déjà traversé, ça ne comptait pas. C'était une idéologie de la table rase, mais spontanée, spontanément vécue. Et je crois que c'est ensuite que nous nous sommes rendus compte que chacun arrivait avec déjà son lot, enfin la part non choisie de l'existence comptait probablement beaucoup plus que la part choisie. Mais à l'époque, nous vivions sur l'idée qu'il fallait tout choisir de sa vie. Du coup, ça, d'ailleurs, c'est accordé avec la lecture de Beauvoir. La seule chose qui compte, c'est ce qu'on choisit soi-même. Et là, vous étiez choisi. Bah, écoutez, c'est très étrange. La vie est très étrange parce que c'est un pur hasard. C'est un pur hasard que nous ayons été nommés dans le même lycée. Donc, le hasard a compté énormément, mais ce hasard a été travaillé ensuite, transformé. Merci à Mona Ozouf, Michel Perrault, Nicole Ledouarin et Françoise Livinec. Merci aussi à toute l'équipe de l'École des filles du Huelgoat. Texte de Simone de Beauvoir, extrait de La force de l'âge, lu par Estelle Clément Béalem. Archivina Aurélie Marsay, prise de son Clémence Bonfils, Pierre Monteil, mixage Claude Niort. Amis pour la vie, un documentaire de Perrine Kerfranc, réalisé par Séverine Cassard. Comme d'habitude, vous pouvez réécouter cette émission sur notre site pendant 1000 jours. Vous pouvez également la télécharger pendant l'année qui suit sa diffusion. Si vous voulez réagir à cette émission ou à toutes les autres, n'hésitez pas à aller sur ce site, www.franceculture.fr. Vous y laissez vos messages, ainsi que sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou en nous suivant sur le réseau Twitter. Demain, nous continuons notre histoire de l'amitié en nous intéressant à l'amitié médiévale avec Damien Bocquet et Bénédicte Serres.